comme des crochets à retenir l'amour. Des bouches comme des moulins à moudre nos meilleurs jours. Des bras pleins de présents à acheter l'avenir. À décrocher les astres pour mieux voir venir des hommes comme. Des hommes comme. Des souffles courants d'air emportés le temps. Des pieds comme des frères faisant claquer le vent. Des visages mystères qui aimeraient avoir l'air. Des ventres comme des ballons gonflés par la misère. Des hommes comme des hommes. Des hommes comme des hommes. Des cœurs comme du béton armé de volonté. Des poings comme des armes à défendre la paix. L'amour comme divine déclaration de guerre. Des voix comme des chants de sirènes meurtrières. Des hommes comme des hommes comme. Des hommes comme.